un truc tout simple. Go to Ninja Player and you could download MP3. Non, c'est pas un sol, c'est un ré. We'll be right back. salut ces téléphones. Luigi, pourquoi t'es parti? Pourquoi t'es parti, Luigi? Pourquoi tu t'en vas, Luigi? Oh, bien, pourquoi tu t'en vas aussi?